بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On toujours dans l'explication du livre Al-Wajih et du fiqh sunnati ou Al-Kitab Al-Aziz. Durant le cours dernier, on avait parlé de l'interdiction au juge de prononcer un jugement, une sentence en état d'énervement. En état d'énervement, et on avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit la yaqdiyanna ahadukum bayna thnayni wa huwa ghadban, que l'un d'entre vous ne juge pas entre deux personnes en état de colère. Pourquoi? Pourquoi est-il interdit de juger en état de colère? Faire se précipiter et pas donner un bon jugement. Non. C'est une influence sur le jugement, c'est-à-dire quelqu'un qui est énervé, est-ce qu'il a toute sa raison? Non. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve que celui qui est énervé n'a pas toute sa raison? Naam. Le kitab al-talaq, on l'avait vu. Le professeur Hassan a dit la talaqa. C'est un des hadiths les plus courts. Il y a trois mots. La talaqa fi irlaqa. La talaqa fi irlaq, point de divorce dans un état d'enfermement. Pourquoi un état d'enfermement? Car la personne qui est en colère, sa raison est recouverte. Sa raison est recouverte, il ne prononcera pas donc des paroles louables et concernant le juge, il n'aura pas toute sa raison et toute son objectivité pour pouvoir prononcer un jugement. On avait aussi parlé du chapitre du juge et que la sentence du juge ou le jugement que prononce le juge ne change en rien la vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que cela ne change en rien la vérité? Est-ce que tout ce que dit le juge est véridique? Oui ou non? Non. Non. Car le juge est un être humain. Et l'être humain est, n'est pas infaillible. Et il peut faire des erreurs. Et il fait des erreurs. Comme le dit le professeur sallam, kullu bani adama khata. Tous les fils d'Adam font des erreurs. Et les juges en font partie. Le fait donc que le juge prononce une sentence, elle doit être appliquée, mais ce n'est pas forcément la vérité. La vérité, c'est ce qui s'est passé réellement. Et ceci en cas de litige, lorsque le juge écoute les deux parties, il écoute, puis prononce son jugement. Et le professeur Asselin a dit, concernant celui à qui le juge a prononcé ou a donné un jugement en sa faveur, alors que cette personne sait pertinemment que le juge a eu tort dans son jugement, qu'est-ce qu'a dit le professeur Asselin concernant cette personne? Que c'est, Naam? Naam, que c'est un morceau de feu qui lui est présenté. Qu'il le prenne ou bien qu'il le délaisse. Qu'il le prenne ou bien qu'il le délaisse. Et on avait vu dans les cours précédents que l'erreur du juge est pardonnée. Que l'erreur du juge est pardonnée. إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. Lorsque le juge prononce un jugement et qu'il a raison et qu'il a atteint la vérité dans son jugement, alors il aura deux récompenses. Et s'il s'est trompé dans son jugement, alors il n'en aura qu'une seule. Ensuite, on avait parlé des accusations et des preuves. Du chapitre des accusations et des preuves. Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce chapitre? Celui qui accuse, que doit-il apporter? Des preuves. Et celui qui est accusé, il doit prononcer un serment. Il doit jurer que ce n'est pas lui qui a fait ce qui lui est reproché. Donc en islam, ce n'est pas celui qui se défend qui doit apporter la preuve, mais c'est celui qui accuse. Et si l'accusateur n'apporte pas de preuves, et que l'accusé jure qu'il est innocent, qu'est-ce que doit faire le juge? Non? Il doit classer l'affaire. Sauf si l'accusateur apporte une preuve par la suite. Et on avait vu que cela était autorisé. Que si la preuve n'est pas présente au moment du jugement, et que l'accusateur a trouvé entre-temps une preuve ou un témoin, que le juge devait prendre en compte ce nouveau paramètre. Pour cela que le professeur Hassan a dit, si les gens, ou si on acceptait des gens selon leurs prétentions, des gens auraient prétendu du sang et de l'argent. Auraient prétendu du sang et de l'argent des gens. Et ensuite, on avait parlé du chapitre de celui qui prétend ce qui ne lui appartient pas. Quelle est la menace qu'il encourt? فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Celui qui prétend ce qui ne lui appartient pas, qu'il réserve sa place en enfer. Et également, celui qui jure et qui prononce un faux serment afin de s'approprier les biens d'autrui, quelle est sa sentence ou quelle est la menace? فليس منا. Et dans un autre hadith, le professeur Hassan a dit, il rencontrera Allah énervé et en colère contre lui. Ensuite, au niveau de ad-da'awa, c'est-à-dire des accusations, il y a trois types de preuves qui permettent d'attester une accusation. La première, c'est al-iqrar, qui est la reconnaissance, le fait d'avouer que l'oppresseur avoue son tort et avoue son péché et avoue son crime. Lorsqu'une personne avoue, on prend en compte ses aveux. La deuxième, qui est al-shahada, qui est le témoignage. Le témoignage peut attester une accusation. Et le troisième moyen, c'est le fait de jurer, le serment. On avait parlé de l'iqrar, du fait d'avouer. Et on avait parlé à plusieurs reprises du fait d'avouer et que cela est pris en compte. Et que le professeur sallam a pris en compte la femme qui a avoué qu'elle avait commis l'adultère. Et d'autres compagnons, qui avaient admis qu'ils avaient commis l'adultère. Mais aussi, le juif qui avait frappé une petite fille avec une pierre. Il a reconnu son agression. Ensuite, on avait parlé du chapitre du témoignage. On avait dit que le témoignage était un fard kifai. C'est vrai ou pas? Le témoignage, c'est un fard kifai ou c'est un fard aïn? Ou tout dépend? Ça dépend s'il est appelé à témoigner ou pas. Le fait d'utiliser le témoignage est un fard kifai. Pourquoi? car ce sont les juges qui appellent les témoins. Il doit donc y avoir dans la communauté musulmane des personnes qui puissent avoir le pouvoir et l'autorité de convoquer un témoin. Et on avait cité la parole d'Allah Azza wa Jal, إِذَا مَدُعُوا, lorsqu'ils sont appelés, c'est-à-dire les témoins qui sont appelés par les juges. Donc cela prouve qu'il doit y avoir des juges qui utilisent ce moyen qui est le témoignage. Et quant au témoin, ou le fait de témoigner en soi, pour celui qui effectivement a assisté ou témoigne de façon oculaire ou auditive ou autre d'un crime ou d'un fait, il doit apporter son témoignage. Allah Azza wa Jalla a dit « وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ » et « ne cachez pas le témoignage ». Ne cachez pas le témoignage. Et il a dit aussi subhanahu wa ta'ala « وَلَا يَأْبَ الشُّهَادَاءُ إِذَا مَدُعُوا » que les témoins ne refusent pas d'apporter leur témoignage lorsqu'ils sont appelés. Le fait donc d'appliquer le témoignage, c'est-à-dire de convoquer, c'est une obligation qui incombe à une partie des musulmans qui sont les juges, et il y a le fait de témoigner en soi qui est une obligation à chacun de ces témoins. Et le témoin doit dire la vérité même si elle n'est pas en sa faveur. Il doit dire la vérité même si elle n'est pas en sa faveur. Comment un témoignage ne peut-il ne pas être en la faveur du témoin? Si un de ses proches est concerné. Ou si le fait de témoigner va avoir une influence sur des biens qu'il a en sa possession, etc., etc. Donc, il doit dire la vérité dans tous les cas. Et Allah Azza wa Jalla a dit d'être juste dans le témoignage, que la personne sur qui on témoigne ou contre qui on témoigne, qu'elle soit riche ou pauvre, فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا, Allah Azza wa Jalla a priorité sur eux. Allah Azza wa Jalla a priorité sur eux. Puis il dit Azza wa Jal, فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا, et ne suivez pas les passions de peur de dévier. وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, car si vous détournez et si vous déviez de la vérité, Allah Azza wa Jal est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Naam. Il est interdit de témoigner sur une chose dans laquelle on a un doute. Autrement dit, le témoin doit être persuadé de la chose sur laquelle il témoigne. Le doute n'est pas admis, et l'ignorance encore moins. Il est interdit de témoigner d'une chose dont tu n'as pas connaissance, et il est interdit de témoigner d'une chose dont tu n'es pas sûr. Tu dois avoir la parfaite connaissance et la parfaite certitude. ثم يقول المؤلف من تقبل شهادته, de qui devons-nous accepter le témoignage, ولا تقبل الشهادة إلا من المسلم البالغ العاقل العدل فلا تقبل شهادة الكافر ولو على مثله لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم وقوله ممن ترضون من الشهداء والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا ولا تقبل شهادة الصبي لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم والصبي ليس من رجالنا ولا تقبل شهادة المعتوه والمجنون ونحوهما لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل فعلى غيرهم أولى ولا تقبل شهادة الفاسق لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. Donc le témoignage ne doit être accepté que d'un musulman pubère qui a sa raison et qui est juste et correct. Qui est juste et correct. Le témoignage ne peut donc pas être accepté d'un non-musulman, même s'il témoigne contre un non-musulman. Même s'il témoigne contre un non-musulman, un non-musulman en islam, on ne prend pas en compte son témoignage. Et la parole, et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ وَاسْتَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. Et prenez le témoignage de deux parmi vous qui sont justes. Parmi vous, c'est-à-dire parmi vous les musulmans. Et Allah Azza wa Jal a dit dans un autre verset, مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَى. C'est-à-dire prenez comme témoin des personnes que vous acceptez comme témoin et que vous agréez comme témoin. Et comme le dit l'auteur qui rapporte de Manar al-Sabil, wal kafiru laysa bi'adl, et le non-musulman n'est pas digne de confiance et nous n'acceptons pas l'état dans lequel il est, à savoir de ne pas adorer Allah Azza wa Jal, de ne pas se soumettre à lui, et il ne fait pas partie de nous, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des musulmans. Donc ceci est la preuve que le témoin en islam doit être un musulman. Ensuite, le témoignage d'un enfant ne peut être accepté en islam. Car Allah Azza wa Jal a dit, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. Et prenez en témoignage deux témoins parmi vos hommes. Et les enfants ne sont pas des hommes. Les enfants ne sont pas des hommes. On avait parlé de ce sujet dans quel chapitre? Dans Kitabu Naam Al-Jinaya, vous êtes sûr? Kitabu Al-Fara'id, où le professeur Hassan m'a dit « Al-Hiqu al-Fara'ida bi-Ahliha fama baqiya fali awla rajulin zakar fali awla rajulin zakar » Et on avait cité le hadith du professeur Hassan lorsqu'il dit de donner l'héritage à ceux qui le méritent et ce qu'il reste doit être perçu par les hommes de sexe masculin. Et on avait donner l'explication des savants sur le fait que le professeur Hassan ait insisté sur le caractère masculin et que ce hadith du professeur Hassan englobait les hommes comme les enfants, car il a dit rajulin zakar. Car s'il avait dit fali aula rajul, les enfants n'auraient pas eu de part d'héritage et ils ne feraient pas partie de al-asaba. Et ici Allah Azza wa Jalla dit وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. Et prenez le témoignage de deux témoins hommes, c'est-à-dire que les témoins doivent atteindre l'âge de la puberté. Donc cela est la preuve que le témoin doit être donc musulman et il doit avoir l'âge de la puberté. ولا تقبل شهادة المعتوه والمجنون ونحوهما. De même que le témoignage du fou, de celui qui a perdu sa raison, ne peut être accepté en islam. Quelle est la preuve? نعم. رفع القلم. نعم. On peut prendre cela comme preuve, le fait que la plume est levée contre toute personne, yani parmi les trois, al-majnun hatta yafiq, celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et les savants disent, comme le dit l'auteur, que c'est rationnel, yani c'est la raison même qui pousse à ne pas accepter les témoignages d'un fou ou de celui qui a perdu la raison, car sa parole à lui ne peut être accepté, comment accepter la parole qu'il dirait sur autrui? Sa parole à lui n'est pas prise en compte, comment prendre en compte une parole qu'il dirait sur une autre personne? Et le témoignage ne peut être accepté également du fasiq, du pervers, et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, « Ashhidu dhawai adlim minkum » et prenez comme témoin des personnes justes et correctes. Et le pervers n'est pas considéré comme une personne juste et une personne correcte, car il commet un grand péché ou persiste dans un petit. Car il commet un grand péché ou persiste dans un petit. C'est pour cela que les quatre imams, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad, ne prenaient pas le témoignage de celui qui se rasait la barbe. De ceux qui se rasaient la barbe, ils ne prenaient pas en compte leur témoignage, car ils persistaient dans ce péché. Car ils persistent dans ce péché. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه حديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه. Et la preuve également que le témoignage ne peut être accepté d'un pervers est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم لا تجوز شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ. Le témoignage du traître et de la traîtresse est interdit. Et les savants disent Al-Kha'in, c'est-à-dire celui qui est traître vis-à-vis des droits d'Allah et vis-à-vis des droits des serviteurs. Celui qui a trahi Allah Azza wa Jal et celui qui trahit les droits des gens, que ce soit un homme ou une femme, son témoignage ne peut être accepté. Wala zanin wala zaniya. De même pour le fornicateur et la fornicatrice, leur jugement ne peut être accepté en islam. Wala dhi rimrin ala akhih. Et également celui qui est jaloux de son frère, celui qui est jaloux de son frère et qui éprouve de l'animosité, de la haine, de la jalousie envers son frère, également lui aussi on ne peut pas prendre en compte son témoignage. Pourquoi? Non, car le fait qu'il n'aime pas son frère et qu'il le déteste et qu'il le jalouse, cela va le pousser à apporter un faux témoignage. ثم قال المؤلف نصاب الشهادة الحقوق ضربان حق الله وحق الآدمي فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب أولا ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال كالزواج والطلاق. قال الله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ففي هذه الآية أو ففي الآية والحديث ورد ذكر الشهود بلفظ التذكير. Il y a différentes catégories de témoignages. Et ces différentes catégories de témoignages diffèrent en fonction des situations dans lesquelles l'on témoigne. Il y a des témoignages qui sont demandés dans les droits d'Allah et il y a les témoignages qui sont demandés dans les droits des gens et des fils d'Adam. Les droits d'Allah comme Naam, comme les sentences. Car les sentences en islam sont un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui a légiféré la religion. Allah azza wa jalla, c'est lui qui a légiféré l'islam. Et le voleur, par exemple, en islam, quelle est sa sentence? C'est de lui couper la main. Celui donc qui a été pris en train de voler, selon les détails bien sûr du vol et selon l'objet qu'il a volé, s'il atteint la valeur qu'a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors le juge doit appliquer la sentence car c'est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le droit des gens, à savoir lorsqu'il y a un litige sur une vente, sur un prêt, sur un mariage, un divorce, etc. Tout ce qui est en rapport avec les êtres humains. Puis l'auteur commence à définir les droits des êtres humains en donnant trois sous-chapitres. Premièrement, les cas dans lesquels seuls deux témoins hommes ou seul le témoignage de deux témoins hommes est accepté. Le témoignage de deux hommes est accepté dans les cas où il n'y a pas de litige d'argent ou de bien. وَيَتَّنِيُوا عَلَيْهِ الرِّجَالِ. Et c'est des situations que prennent en main, en général, les hommes, comme le mariage et le divorce. Le témoignage dans ces domaines ne peut être accepté que de deux témoins hommes. Allah Azza wa Jalla dit, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, et lorsqu'elles atteignent leur période de viduité, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, alors gardez-les dans le bien ou libérez-les dans le bien. Autrement dit, les femmes que vous avez divorcées une fois ou deux fois, ce sont les deux divorces dans lesquels il est autorisé au mari de pouvoir récupérer sa femme pendant la période de viduité. Lorsque cette période approche et qu'elle arrive à terme, le mari doit soit garder sa femme dans le bien ou soit la laisser partir dans le bien et de la libérer dans le bien et de conclure le divorce. Et de ne pas faire, comme Allah Azza wa Jalla a dit, et ne faites pas d'elle comme une personne suspendue, qui ne sait pas où elle est, et qui ne connaît pas son sort, et qui est comme prisonnière de son mari. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, point de mariage sans l'accord du tuteur et le témoignage de deux hommes justes. Dans ce verset et dans le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, il a parlé de deux témoins hommes. Ensuite, il y a le deuxième cas, وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال كالبيع والإجارة والرهن ونحو ذلك. قال الله تعالى, واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وهو حديث صحيح رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود. Le deuxième cas de figure qui peut se présenter, dans lequel deux témoins sont acceptés, c'est-à-dire deux témoins hommes, ou bien un homme et deux femmes, ou bien un témoin et un serment. Il y a donc des cas où trois options sont possibles, soit d'apporter deux témoins hommes, soit d'apporter un homme et deux femmes comme témoins, ou soit d'apporter un témoin et de jurer. Et ici, qui doit jurer? Celui qui est accusé ou celui qui accuse? Non? Comment on pourrait dire que c'est l'accusé alors qu'on prend en compte le témoin et et le serment, est-ce que l'accusé doit apporter le témoin? Non. Et ici, en fait, il n'y a pas de contradiction entre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qu'on a vu, c'est que la preuve doit être apportée par l'accusateur et le serment par l'accusé. Et dans ce hadith, qu'on va voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé en faveur d'une personne, c'est-à-dire accusateur, qui a apporté un témoin et qui a en plus juré, c'est-à-dire qu'il a juré qu'un tel était coupable, en apportant et en soutenant son serment par un témoin. Et là, c'est un cas qui diffère du premier. Il n'y a donc pas de contradiction entre le premier hadith et le second, car l'accusé ou l'accusateur ne se contente pas du serment uniquement, mais il le prouve avec un témoin. Et le témoin est considéré comme une preuve. Et le témoin est considéré comme une preuve. Comme cela, Allah Azza wa Jalla dit, faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes. Et Annie, avant de parler du cas ou des versets, ces trois options sont ouvertes dans les cas de litige qui concernent des biens ou de l'argent, comme une vente, comme une location, comme un dépôt de garantie. Par exemple, tu as loué un bien et celui à qui tu as loué t'a demandé un dépôt de garantie, ar-rahan, qui est en islam autorisé ou pas? Est-ce que celui qui perçoit le dépôt de garantie a le droit de l'utiliser? Il a le droit ou pas? Non. Il y a des conditions. Il ne faut pas considérer ce bien comme le sien et l'utiliser comme on veut. Mais il y a des conditions en fonction de la nature de ce dépôt de garantie. Et celui à qui tu as donné le dépôt de garantie dit non, moi tu ne m'as jamais rien donné. On s'était mis d'accord sur la location, mais je t'ai jamais demandé de dépôt de garantie ni quoi que ce soit. Si le locataire apporte un témoin et il jure devant le juge qu'il a effectivement donné le dépôt de garantie, là le juge devra prononcer le jugement en sa faveur. Donc tout ce qui est en rapport avec un bien, de l'argent ou autre. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes et fa'in lam yakuna, et s'il n'y a pas deux hommes, fa'in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa mra'atan, s'il n'y a pas deux hommes témoins, alors un homme et deux femmes. Pourquoi deux femmes? أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Pourquoi deux femmes? Car si l'une se trompe, ou si l'une s'égare dans son témoignage, l'autre sera là pour la rappeler. L'autre sera là pour la rappeler. Et ceci explique la parole du prophète sallam, An-nisa'u naqisatu 'aqlin wa din, que les femmes ont un manque dans la raison. Et le professeur sallam a expliqué le manque dans la raison, non pas que les femmes sont des êtres idiots et imbéciles, mais parce que lors du témoignage, leur témoignage doit être appuyé par le témoignage d'une autre femme. Et on verra aussi par la suite que en ce qui concerne les sentences, le témoignage d'une femme n'est jamais accepté. En ce qui concerne les sentences, le témoignage d'une femme n'est jamais accepté. Et les savants ont donné comme explication le fait que un témoignage en ce qui concerne les sentences doit être un témoignage qui ne doit laisser aucun doute subsister. Car là, on parle de sentence, on parle de vie et de mort. Et cela montre également la justice de l'islam est que en islam, on n'applique pas les sentences à tout va, mais il y a des règles à respecter. Et si une sentence doit être appliquée, l'islam fait en sorte que celui sur qui on applique cette sentence, eh bien, les faits sont réellement ou sont véritablement avérés le concernant. Donc c'est la preuve de deux hommes dans ce verset. Il y a aussi la preuve d'un homme et de deux femmes. Et quant à la preuve d'un témoin et du serment qui vient par la suite, c'est le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui dit que le prophète sallam a jugé, c'est-à-dire a prononcé un jugement sur une personne en sa faveur qui a juré et a apporté un témoin. ثالثا وضرب يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو أربعة نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كالرضاع والولادة وعيوب النساء الداخلية وعيوب النساء الداخلية. Il y a le troisième cas de figure dans lequel le témoignage de deux hommes, le témoignage d'un homme et de deux femmes, ou le témoignage de quatre femmes sont acceptés. Et le cas dans lequel ces trois options sont possibles, ou l'une des trois options est possible, ce sont les cas dont s'occupe ou dont ont connaissance la plupart du temps les femmes et non les hommes, comme les cas liés à l'allaitement, comme les cas liés au fait d'enfanter et comme les cas liés aux défauts physiques des femmes. Aux défauts physiques des femmes. Comme par exemple, une femme qui prétend qu'elle est vierge et son mari dit que non. Est-ce qu'on a le droit d'accepter le témoignage de quatre femmes? Oui ou non? Qui va pouvoir vérifier et qui va pouvoir témoigner que cette femme est effectivement vierge ou non? En dehors de l'homme, parce que l'homme c'est l'accusateur. Non, ce sont les femmes. C'est des cas qui concernent les femmes. Ou par exemple... Non. Pas une sentence si elle pas... Non, il n'y a pas une sentence si elle était mariée auparavant. Ah, ouais. Une femme qui n'est pas vierge, ce n'est pas forcément une femme qui a fait l'adultère ou la fornication. Une femme, par exemple, ou un homme qui prétend que son fils a été allaité par une autre femme. Ici, on a le droit de prendre en compte, le juge a le droit de prendre en compte le témoignage de deux hommes, ou le témoignage d'un homme et de deux femmes, ou le témoignage de quatre femmes. Car, qui pourra mieux attester et témoigner que cette femme a allaité cet enfant qu'une femme? Ce sont des cas où les femmes sont le plus exposées, et du coup, ce sont elles qui sont le plus à même de pouvoir témoigner. Mais cela ne nie pas et n'exclut pas le témoignage de deux hommes et le témoignage d'un homme et de deux femmes. Wa amma huquq Allah ta'ala fala tuqbalu fiha an-nisaa. Liqawli az-Zuhri la yujladu fi shay'in min al-hudud illa bi shahadati rajulayn. Wa huwa 'ala thalathati adrub, awwalan darbun la yuqbalu fihi aqallu min arba'atin وهو الزنا. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود لقول الزهري السابق وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان. Et quant au droit d'Allah عز وجل, à savoir les sentences, le témoignage des femmes n'est jamais accepté. Az-Zuhri, rahimahullah, a dit, on ne doit fouetter, c'est-à-dire dans le cadre des sentences, que avec le témoignage de deux hommes. Qu'avec le témoignage de deux hommes. Et il y a trois cas de figure. Le premier, le cas dans lequel il faut au minimum quatre témoins. Et ceci concerne l'adultère. Et ceci concerne l'adultère où il faut quatre témoins oculaires, et pas seulement oculaires, quatre témoins masculins. Ce doit être des hommes. Allah Azza wa Jalla dit, et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet. Fouettez-les de 80 coups de fouet. Le témoignage donc concernant l'adultère, c'est quatre témoins oculaires et des hommes. Et les savants disent que si les quatre témoins viennent devant le juge, l'un dit, je témoigne qu'un tel a fait l'adultère avec un tel, et j'ai vu l'acte de mes propres yeux, comme un seau rentre dans un puits. Le deuxième apporte le même témoignage. Le troisième apporte le même témoignage. Et le quatrième dit, je peux pas témoigner de l'adultère. Je sais qu'ils étaient ensemble, mais de dire et d'attester qu'ils ont fait l'acte, je ne peux pas le faire. Ici, le juge doit fouetter les trois premiers de 80 coups de fouet. Et le troisième, et le quatrième, les savants disent que le juge doit le réprimander, c'est-à-dire il ne doit pas le fouetter, mais il doit yani yu'azziru, c'est-à-dire qu'il doit peut-être lui donner une amende ou quelques jours de prison, yani un moyen qui va le qui va faire en sorte qu'il qu'il réfléchisse et qu'il prenne en compte la gravité de l'acte qu'il a fait. Mais étant donné qu'il n'a pas attesté formellement de l'adultère, les coups de fouet ne le concernent pas, mais concernent les trois premiers. Ils concernent les trois premiers, même si effectivement ces trois premiers l'ont vu. Pour cela que Yanni montre vraiment la sévérité de l'islam concernant l'application des sentences. Et ceci, contrairement à toutes les attaques ou toutes les reproches infondées et mensongères dont l'islam est visé. Dont l'islam est visé, alors que si les non-musulmans avaient connaissance, ne serait-ce que du fait qu'il faut au minimum quatre témoins hommes oculaires, il comprendrait que c'est une sentence qui est quasiment inapplicable à notre époque. Le deuxième cas de figure dans lequel deux hommes témoins doivent être apportés, c'est-à-dire dans les sentences où il y a des coups de fouet autres que l'adultère, et comme par exemple en islam, il y a la sentence pour celui qui boit de l'alcool. Pour celui qui boit de l'alcool et qui persiste dans cette consommation, la sentence en islam, c'est des coups de fouet. Et le troisième cas, dans lequel un seul homme, le témoignage d'un seul homme suffit, et ceci dans l'entrée du mois du Ramadan. Dans l'entrée du mois du Ramadan, on avait vu dans le chapitre du jeûne qu'il faut un témoin pour l'entrée du Ramadan et deux témoins pour la sortie du Ramadan et l'entrée du mois de Shawwal. Pourquoi l'un dans l'entrée et deux dans la sortie du mois. Il faut creuser dans la mémoire. Non. On apprend en tout cas, pas qu'il y en ait un qui soit tenté. Non, Mahsant. Car à la fin du ramadan, les gens sont plus tentés de dire que le ramadan est fini pour pouvoir rompre le jeûne et aussi pour pouvoir fêter et entrer dans le jour de fête, le jour de Eid al-Fitr. Le jour de Eid al-Fitr. Surtout si c'est un mois dans lequel le jeûne tombe, il est dans des mois chauds, etc., où le jeûne est particulièrement difficile, cela peut tenter certains de dire qu'ils ont vu le croissant de lune alors qu'ils ne l'ont pas vu. Simple. Puis l'auteur parle du troisième moyen que l'on a cité, qui est le serment. Le serment est aussi accepté en islam et peut être considéré comme une preuve pour une accusation. يقول المؤلف اليمين إذا عجز المدعي عن تقديم البينة وأنكر المدعى عليه فليس للمدعي إلا يمين المدعى عليه لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وعن الأشعث بن قيس قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه قلت إنه إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى ولهم عذاب أليم. Lorsque l'accusateur est incapable d'apporter une preuve et que l'accusé renie ce qui lui est reproché, alors l'accusateur n'a d'autre possibilité et n'a d'autre d'éventualité que le serment de celui qui l'accuse. Et le prophète sallam a dit, la preuve doit être apportée par l'accusateur et le serment doit être prononcé par l'accusé. Et selon l'Ash'ath ibn Qais, il dit, il y avait entre moi et un homme un litige, une dispute concernant un puits. Nous avons pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge. C'est-à-dire nous nous sommes plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, shahidaka aw yaminuh. Le prophète sallam a dit à Al-Ash'ath ibn Qais, soit tu as apporté deux témoins, ou soit alors c'est son serment, le serment de l'accusé. Il y a deux possibilités. Soit tu apportes tes deux témoins, ou soit on prend en compte le serment de l'accusé. Et Al-Ash'ath ibn Qais, radiallahu anhu, a dit, ô envoyé d'Allah, il va jurer sans prêter attention. Yani, si c'est aussi simple que ça, yani, il ne va pas hésiter à jurer en sa faveur, sans se préoccuper des conséquences qui pourraient arriver derrière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, من حلف على يمين يستحق بها مالا. Celui qui prononce un serment pour s'approprier un bien وَهُوَ فِيهَا فَاجِرْ et qu'il est menteur dans ce serment, لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانِ il rencontrera Allah en étant en colère contre lui. Et Allah Azza wa Jal a fait descendre un verset dans Surat Ali Imran, le verset 77, qui vient appuyer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu ce verset. إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Ceux qui vendent à un prix ridicule leur engagement avec Allah ainsi que leur serment ils n'auront aucune part dans l'au-delà. Et Allah ne leur parlera pas, ni les regardera au jour du jugement, ni les purifiera, et ils auront un châtiment douloureux. Wal'iyadhu billah. Ceux donc qui vendent leur religion, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yabi'u dinahu bi-gharadin min ad-dunya qalil. Ceux qui vendent leur religion pour un bien de cette vie d'ici-bas, yani vil et sans valeur. Ceux qui vendent leur engagement avec Allah ainsi que leur serment, c'est-à-dire qui mentent pour s'approprier ou pour bénéficier d'un bien de cette vie d'ici-bas qui dans tous les cas est un bien qui est voué à disparaître, eh bien, ils n'auront aucune part dans l'au-delà. Et Allah Azza wa Jalla ne leur parlera pas et ne les regardera pas. Et cela fait partie des pires châtiments que puisse subir une personne le jour du jugement. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable dans cette vie d'ici-bas. Personne n'accepterait que devant tes invités ou devant tes amis, qu'une personne ne te regarde pas et ne t'adresse pas la parole. Comment réagir le jour du jugement où le premier des fils de où Adam alayhi salam et le dernier des fils d'Adam sont réunis, Allah Azza wa Jal, ni il ne t'adressera la parole, ni il te regardera. Il ne les purifiera pas et ils auront un châtiment douloureux. Wal'iyadhu billah. Pas de questions sur ce chapitre ? Non. Entre l'adultère et la fornication. La différence entre l'adultère et la fornication, l'adultère c'est après être marié ou avoir été marié. Celui qui est marié une fois dans sa vie et qui commet la fornication, on ne parle plus de fornication mais d'adultère. Car certains pensent que l'adultère c'est celui qui est marié et qui a un rapport illicite. C'est faux. On va pas dire c'est faux, mais ce n'est pas totalement vrai. C'est celui qui est marié, effectivement, mais aussi celui qui a déjà été marié. Ba'd ihsan, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la préservation, c'est-à-dire le mariage. Donc, que la personne soit mariée au moment où elle commet l'acte, ou qu'elle est divorcée au moment où elle a commis l'acte, cela est considéré comme un adultère. Wal'iyadhu billah. Quant à la fornication, c'est celui qui a eu un rapport interdit avant d'être marié. C'est-à-dire, il n'a jamais été marié. Allez, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour l'Oajiz. Et comme je l'avais dit il y a 2 semaines, c'était le dernier cours. Donc, il y a quelques chapitres qu'on n'a pas fait, je pense pas qu'on fera. Mais alhamdoulilah, on a traité le livre dans sa plus grande globalité, dans sa plus grande partie, et cela nous rappelle que les meilleures des œuvres sont celles qui sont minimes mais qui durent dans le temps. Parce que alhamdoulilah, ce livre, ça fait maintenant bientôt 4 ans et demi qu'on l'a commencé. Alhamdoulilah, en faisant un cours par semaine, on peut arriver à étudier des livres qui dépassent les 450 pages. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك